money. Maria Moni a la mer, giocando con il pantalone. Oh, Moni a la mer, niente gioco con la e. Le monde à l'envers, qui nous dit la famille. Oh, le monde à l'envers, personne n'a ni bout à la paix. Le monde à l'envers, qui commande la maison. Thank you. Thank you.

matongi, kolinga moto bato.